بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ordonnez le convenable et interdire le blâmable. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ordonnez le convenable et interdire le blâmable. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الكلمة الثالثة في مسألة عظيمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc aujourd'hui بإذن الله on va faire la troisième partie du sujet qu'on a traité dans les deux cours précédents, Al-Amr bil-Ma'ruf wa Al-Nahi anil-Munkar, ordonner le bien, ordonner le convenable et interdire le mal, interdire le blâmable. Amma al-Kalima al-Oula, la première Kalima, on avait vu, walillahi alhamdu al-minna, les bienfaits. فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم. On avait vu les bienfaits, on avait cité, et on avait vu le jugement. Aïe, c'est wajib pour tous ceux qui ont la capacité. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حديث أبي سعيد المشهور. On a vu les bienfaits, on a vu le jugement. La deuxième kalima, on avait étudier les conditions, shurut, al-amr bil-ma'ruf wa al-nahi anil munkar, al-ilm, etc. Et aujourd'hui, bi-idhnillah, la troisième partie, on va voir le comportement, akhlaq, al-amr bil-ma'ruf wa al-nahi anil munkar. Et bi-idhnillah, on va étudier hadi al-mas'ala al-yawm. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فكما تعلمون ولا يخفى أن دين الإسلام قد اعتنى بالأخلاق الفاضلة، مكارم الأخلاق عناية فائقة. أن الإسلام la religion d'Islam elle donne au bon comportement une importance, une grande importance كما تعلمون. Une grande importance fait l'akhlaq, le comportement. Khassatan, celui qui appelle. Et celui qui appelle, c'est un modèle, c'est un exemple pour les autres. Fa hada, il doit avoir un comportement. Qala alayhi salatu salam, fil hadith, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Al-birru, c'est le bien. حسن الخلق لو بون كومبورتمون وقال عليه الصلاه والسلام وخالق الناس بخلق حسن un ordre وخالق الناس بخلق حسن tu te comportes avec les personnes avec les gens un khuluq hasan un bon comportement وقال عليه الصلاه والسلام انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe انه il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour parfaire makarim al-akhlaq, le bon comportement. Un muslim, il doit donner de l'importance à hadith l'humour. T'as un muslim, t'as un Coran, t'as une sunnah, t'as un mode de vie, c'est pas hakada. T'as un comportement à voir quand tu manges, t'as un comportement à voir quand tu dors, t'as un comportement à voir avec les gens, t'as un comportement à voir avec le muslim, avec le kafir, avec le mubtadi, avec chacun à sa place. Wa'alam, un ce comportement, c'est pas anta qui décide au foulain. Abadan, husn al-khuluq ma ja'a fil kitab wa sunnah. C'est ça le bon comportement. Tu suis le Coran et la sunnah. Et tu suis la voie des salaf. Mais بعض الناس الان ils ont une image d'un bon comportement. C'est pas un comportement que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète عليه الصلاة والسلام ils nous ont légiféré. Abadan. Enfin, le bon comportement c'est bi tariqat as-salaf. As-salaf c'est eux qui ont compris le Coran et la Sunna. Et nous, on va se concentrer sur le comportement du prêcheur. Al-amir bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, sa relation avec la mas'ala qu'on a vue. Amma, le sujet du bon comportement, c'est un sujet plus vaste. Assa Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite. On fera une kalima sur husn al-khuluq, c'est muhim. Amma, nous, ce qui nous intéresse liyaw, c'est plus précisément al-amir bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Celui qui appelle au bien et qui interdit le mal. Hada, il doit avoir un comportement. Il appelle à une chose, il achète que lui doit avoir un comportement face à cette chose, face aux gens. Wa min awwal al-akhlaq allati yanbaghi an yattasif biha ad-da'i ila Allah 'azza wa jal al-ikhlas. Le premier comportement, c'est la sincérité. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فسأ دعوة son prêche le fait qu'il appelle les gens bien et les interdit il les met en garde contre le mal هذا سلله إلى الله وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ta دعوة Elle est lillah. T'appelles pas pour ton nefs. T'appelles pas parce que Foulan, tu mets en garde parce que tu l'aimes pas. Ah, ou Foulan, tu l'aimes bien, tu te tais. Là, ça c'est pas lillah. Nahnu, awwalan, on fait ça, c'est lillah. Amma, que Foulan il soit d'accord, il est pas d'accord, Foulan il est content, ou il est pas content, ou les gens ils t'aident dans ta da'wa, ou ils t'aident pas, anta, tu fais ça lillah. Tu fais ça lillah, azza wa jal. Fait ikhlas. لله رب العالمين سأعظم الخلق. C'est le plus important des comportements, c'est هذا. Tu comprends l'erreur de certaines personnes, ils appellent دائماً au bon comportement et ils négligent ce point. صحيح, بعض الناس ils appellent au bon comportement دائماً, bon comportement avec les kafirs, bon comportement avec Fulan, bon comportement, et ils oublient le bon comportement avec رب العالمين. Il t'a créé عز وجل, tu dois avoir un comportement. Et ton comportement que tu dois avoir avec رب العالمين, c'est que tu l'adores seul. Tu t'écartes du shirk. T'adores pas de tombe, t'adores pas un mort, t'adores pas une pierre, abadan. T'adores Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et tous tes actes, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les fais lillah. Parmi ces actes, le fait d'appeler au bien et d'interdire le mal. Hada, le premier point, al-ikhlas. Walillahi alhamd, on a détaillé nahnu ce point plusieurs fois dans les durus de tawhid. Al-khuluq al-thani, le deuxième comportement que le prêcheur il doit avoir, العلم العلم فسا سا كومبورتمون عظيم celui qui appelle une chose il doit être à la ilm s'il connaît pas ista قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم t'as pas le droit de rentrer dans une chose que tu connais pas vouloir expliquer une chose que tu connais pas t'as pas le droit qui c'est qui t'a imposé qui c'est qui t'a donné l'autorisation tu sais pas tu te tais العلم c'est min a'zam al-khuluq lid-da'i ila Allah. أما داعي إلى الله كعلى الجهل فسن مصيبة. ولو تلفوا إلى الدوسر إلى السورير عليكم السلام ورحمة الله إلى يفو دو بيان جون. Ça, c'est des comportements taïba, comme à Sayati. Vouloir le bien aux autres, avoir de la douceur, il a akhdé. Lakin, s'il n'est pas à la ilm, il fera plus de mal. Mais anna, ça ne suffit pas de vouloir le bien. Il faut connaître le bien. Comme les gens, ils veulent le bien, ils ne connaissent pas le bien. Bah, les gens, ils veulent le bien aux musulmans, ils appellent à adorer une tombe. Ils veulent son bien. Ils croient que c'est ça le haq. Si tu écoutes ce prêcheur, tahlak. Tu péris, wal'ayadu billah. Les gens, adorer autre qu'Allah, c'est tariq al-halak. إن الله لا يغفر أن يشرك به فلا بد أن الدعي إلى الله يتصف بالعلم والعلم هنا المراد العلم الشرعي قال الله قال الرسول قال الصحابة والدليل على هذه النقطة قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم البصيرة هنا سلا كليرفويونس T'as le basar, la vue, et t'as le basira, la clairvoyance. La clairvoyance, c'est l'ilm. Tu peux avoir une personne, il n'a pas le basar, il est aveugle, lakin il a l'ilm. Il est clairvoyant, il distingue le bien du mal, le vrai du faux, le tawhid du shirk, sunna de la bid'a. Ad'i ila Allah, il doit appliquer cette ayah. Qul hadhihi sabili, ad'u ila Allah. La sincérité, le premier point. Ala basira, le deuxième point. La science. Amma, si tu ne connais pas, akhi, apprends. Comme on l'a expliqué dans le dars auparavant, mets tes efforts dans talab al-ilm. Comment tu vas appeler une chose que tu ne connais pas? Avec une barre de nez, ils ont de la motivation. Mets ta motivation, apprends ton dîn. Apprends et appelle. Qala alayhi sallam, balliru anni wa law aya. Anta, tu dois transmettre. Lakin, tu transmets quoi? Al-aya. Tu ne transmets pas ce que tu penses toi, ou ce que t'aimes toi, ou tu réprimandes des gens ce que tu n'aimes pas toi. Abadan. Al-ilm, qala Allah, qala Rasul. Et ce point, on l'a détaillé dans les shurut, les conditions. La première condition, l'ilm, vous vous rappelez, on l'a détaillé. Le troisième comportement, al-thalith, que le prêcheur il doit avoir, celui qui appelle au bien et qui met en garde contre le mal, al-amal. Al-amal. Fadda'i yakun aliman. Bima yad'u. Il doit connaître. À quoi il va appeler? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il doit appliquer. Tu appelles les gens, tu dois être le premier à appliquer. Mais anna, le but de ta da'wa, c'est quoi? Al maqsoud, c'est an-nas y'amaloun. C'est ça le maqsoud. Le but, tu appelles ton père ou ta mère, ta soeur, ton voisin, tu le mets en garde contre un mal ou tu l'appelles un bien, le but, c'est qu'il fasse. Fa kayf, anta, t'applique pas. Comment tu veux qu'une personne elle fasse une chose, un tas toi-même tu ne la fais pas. Enfin, comment t'appelles à cette chose? La personne il appelle à une chose, c'est le premier, il concentre ses forces à faire cette chose. T'appelles Matalan, tu mets en garde Matalan, un membre de ta famille n'écoute pas de la musique. Awalan, un tas t'arrête. Awalan. Ouais, il écoute de la musique et il va vers sa soeur et lui dit là, c'est haram, n'écoute pas de la musique. Ta da'wa elle ira pas loin. أولا avec Allah subhanahu wa ta'ala لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أولا الله سبحانه وتعالى sera pas satisfait يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون الله سبحانه وتعالى il dit dans ce verset il parle aux croyants يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas. Pourquoi tu dis maintenant à Foulan, la musique c'est interdit et Anta t'écoute? Lima, pourquoi? Qala Azza wa Jal, kabura maqtan indallah. C'est un énorme péché indallah. Anta qulu ma la tab'alu. C'est un énorme péché indallah. Tu t'imposes aux autres. Tu veux que les autres y font et Anta tu fais pas. Qala Azza wa Jal, ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre dans un autre verset, il dit atamuruna an-nasa bil birr. T'appelles les gens bien wa tansawna anfusakum, et tu t'oublies toi-même. Ça rentre pas dans l'aql, ça rentre pas dans la raison. Et à la fin du verset Allah azza wa jalla dit afala ta'qilun. Est-ce que vous ne raisonnez pas? L'insan t'appelles une chose, c'est le premier à faire. on a dit, awalan, Allah il n'est pas satisfait de toi. Deuxièmement, les personnes qui écoutent ta da'wa, ils ne prendront plus au sérieux. Tasawwaranta, tu dis à quelqu'un, écoute pas de la musique. Une heure après, il te voit, t'écoutes de la musique. Il va dire, hada, il se moque de moi. Et tu vas faire du mal au din. Il y en a toi, en tant que prêcheur, tu parles au nom du din. T'as un talib ilm qui a étudié Fulan, t'as étudié 10 ans Huna, t'as fait kada. Ça, anta, au nom du din, tu fais des dégâts. Ta'alamoun, on a Ba'd al-Juhal, ils attendent que ça. Ba'd al-Juhal, c'est des masakines, ils voient un talib ilm ou une personne qui est proche de la sunna. Il fait une mukhalafa, ils disent, regarde, lui il nous dit kada kada, et lui-même, et ça fait du mal au din. Et après, il y a les célèbres phrases qu'on entend. On dort les salafis kada, les sunnis kada, les kada, les kada. Tu fais du mal au din. La personne, il appelle à une chose, il fait. Il fait autant qu'il peut. Il interdit une chose, mais Ibn Allah, il est le premier à l'enlever. Awalan Allah subhanahu wa ta'ala, il sera satisfait de toi. Les anna, t'écoutes ses ordres et tu t'éloignes de ses interdictions. Et deuxièmement, mais Ibn Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te mettra le kaboul fil ard. Les gens, ils accepteront de toi. Ils accepteront. Les anna, ils savent que tu veux leur bien, t'es à la ilm, sincère, un bon comportement, il a akhiré. Ta da'wa, elle pourra que avancer. Bi Ibn Allah, azza wa jal. Amma, celui qui appelle à une chose et qui khalif wal iyadu billah, un nabi alayhi sallallahu salam, il nous a montré fi sunnah, fi sahihain, qu'al alayhi sallallahu salam, yu'ta bil rajul yawm al qiyama fayulqa fi nar. Yawm al qiyama, il y a un homme, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire rentrer en enfer. Qu'al alayhi sallallahu salam, qu'al fayashtami alayhi ahlun nar, fayakuluna lah, ya fulan, malak. Cette personne, il va être en enfer. Ahl al-Nar, les gens qui sont en enfer, ils vont se rassembler vers lui. Ils vont lui dire, ya Fulan, qu'est-ce que t'as, malak? Hey, ça va les étonner que Fulan, il est finnar avec eux. Ils vont être étonnés. Pourquoi lui, il est avec nous finnar? Ça, ils vont lui dire, alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha anil munkar. Ils vont lui dire, ya Fulan, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais finnar? Anta, on te voyait t'appeler au ma'ruf, da'iman. Tu disais aux gens, faites le bien, faites kada. Et t'interdisais al-munkar. N'écoutez pas de la musique, ne faites pas ça, ne faites pas ça. L'an, il se pose une question, qu'est-ce que tu fais avec nous, finnar? Qala, hadha rajul, cette personne, que finnar, il va dire, fayakul, bala. Il va dire, naam, je faisais ça. J'appelais les gens, il a akhiré. Qala, bala, kuntu amurukum bil ma'ruf, wa la ati. Wa anhaakum anil munkar, wa ati. Sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, naam, j'appelais au bien, lakin je le faisais pas. Naam, je vous interdisais le mal, lakin je le faisais. Cette personne, il rentre fi qawlillah azza wa jal, kabura baqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Il avait une da'wa et il faisait le contraire. Lima taquluna ma la taf'alun. Tu te poses la question, t'as cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? En général, tu trouveras un na. Cette personne, il avait wal'iyadu billah marad al-riya. Il faisait ça pour fulan et fulan. La personne, fil haqiqa, dès qu'il est en public, ou il est tout seul, son din, ça doit être le même. Si tu vois, ayyuhal muslim, dès que tu es en public, et dès que tu es tout seul, il y a une grosse différence, revois ton iman, revois ton ikhlas. Les anna fil haqiqa, que tu fasses une salade dans un masjid, matalan, ou qu'il y a 1000 personnes, ou tu fasses salade dans ta chambre, chez toi, normalement pour toi, il n'y a aucune différence. Tu fais salat lillah. Mais si tu vois qu'il y a une grosse différence, chez toi, elle est bâclée. Et dès que c'est devant les gens, elle est améliorée, il a akhiré. Vérifie ton ikhlas. Dès qu'il y a du monde, faites pas ça. Faites ça, il a akhiré. Dès qu'il se retrouve tout seul, tous les munkar, tous les péchés qu'il a interdit les autres, il les fait. Revois ton ikhlas. Vérifie ton cœur. Les anna, cette personne, ça sera pas une personne, là. C'est pas un rajoul, une personne, fulan, là. C'est une catégorie de personnes. Celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec ses caractéristiques, il ne fait pas ce qu'il dit, c'est Allah l'afiyah. Ou dans surat al-Asr, Ibra. Surat al-Asr, que la plupart des musulmans y connaissent, أن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات إلى بلك أما علم so tu fasses أيها المسلم c'est une حجة contre toi, c'est une preuve contre toi. صلى الله عليه وسلم. L'insan, il fait des efforts. Nous, on ne dit pas que la personne, il est parfait. Abadan, il ne faut pas comprendre. Tu ne parles pas tant que tu n'es pas impur, tant que tu n'es pas alam. Abadan. Là, que la personne, il fait des efforts. La personne, il fait des efforts. Voilà où tu as des péchés, il arrive, tu fais des efforts. Chaque jour, taouba. Tu remplaces ce péché par une chose de bien et l'akhir, et t'appelles les gens autant que tu peux, et bi'idnillah tu seras à l'akhir. Une personne là, sa da'wa et ses actes, c'est l'opposé. Al-amal, c'est muhim. La personne, il fait autant qu'il peut, et comme Arshad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la personne, il s'éloigne du rouleau. Il fait autant qu'il peut. Celui qui arrive à awalan, il fait les obligations. Il s'écarte des interdits. Hatta dès que tu appelles une personne à faire salat, toi tu fais salat. Ça ne rend pas fil à l'aql. Une personne dit à Foulan, tu ne vas pas au masjid. Et lui, il ne vient jamais au masjid. Fais les obligations, akhi. Écarte-toi des interdits. Et petit à petit, c'est pas le premier jour que tu fais qiyam al-layl pendant 6 heures, tu ne dors pas. Après, pendant un mois, tu ne fais même pas salat al-fajr. Ça, ce n'est pas du din. C'est pas du dîme. Là, petit à petit, fais tes obligations. Et après, tu te connais. Petit à petit, travaille ton iman. Al-witr. Après, tu commences. Si tu vois que t'es costaud, t'arrives à tenir, tu augmentes. As-siyam. Tu fais ce que tu peux. T'arrives à faire 3 jours dans le mois. Ni'ma. Ni'ma. Et si tu te sens fort, fais plus. L'essentiel, c'est la régularité. Ahsan lak. Amma nahnu des fois on se fait avoir riyad al-bab, un shaitan il gonfle une personne maintenant il est motivé, tu le vois la première semaine il a ibadat sur l'islam le taymiyya. Siyam Daoud il dort plus la nuit, et le Coran il le lit pendant 10 heures, il a akhiré. Comme il faiblit, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour lui, t'es un être humain. Enfin, la personne il prend ce qu'il peut et il s'améliore. Amma hakada d'un coup et ça pèse trop sur toi. T'auras du mal à tenir. T'alamoun, hadith Aïcha, anna qawman ja'u ila ba'da zouaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont demandé le comportement, la vie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, les femmes du prophète, radiyallahu anhum, elles ont répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yusalli wa yanam, il fait qiyam layla, il dort. Yassoum wa yuftir, il jeûne, il mange. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدور في الصلاة إلى آخره. فبعض الناس dès qu'ils ont demandé, ils ont vu que c'était pas assez. Ils ont dit le Nabi صلى الله عليه وسلم il a plus de péché هو. أما أنا جكدا. فايز ont dit واحد منهم il a dit أما أنا فأصوم ولا أفطر. Je jeûne, je mange plus jamais. Tous les jours الصيام. Du fajr au maghrib il mange plus. واحد il a dit أما أنا أصلي ولا أنام. واحد il a dit أنا je dors plus. Un autre, il a dit, Anna, la atazawaj nisa, je ne me marie pas. Ça va lui prendre du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé, il a dit, il a cité l'histoire, Anna ba'danna, ils ont dit kada kada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Amma ana, asum wa uftar, wa salli wa anam, wa atazawaj nisa, man ragiba an sunnati, falaysa minni. Celui qui s'écarte de ma voix, il fait pas partie de moi. Fais pas du rouleau. L'exagération, ça te fera que du mal. Ça te fera que du mal. Fais ce que tu peux et la régularité. Et améliore-toi de jour en jour. Les Anna, العبرة سبيل خواتيم أنت l'essentiel الله سبحانه وتعالى tu vas rencontrer الله سبحانه وتعالى c'est l'état la situation que tu vas mourir. أما pendant 10 ans t'as fait كذا ثم tu meurs une hala sayyi'a c'est pas bon. أما tu t'améliores de jour en jour de jour en jour بإذن الله la mort elle te prend t'es à la khayr. Enfin, la personne il est le juste milieu, ni il fait du rouleau ni il est un endormi dans l'ibad. Allah le juste milieu et s'améliore jour après jour. Al-Khuluq al-Rabi', le quatrième comportement, al-Hikmah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil-Hikmah, wal-maw'idhati al-hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil-Hikmah. Le prêcheur, celui qui appelle au bien et met en garde contre le mal, son appel, il doit être bil-Hikmah. Qala العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إذا expliquer c'est quoi الحكمة قال أن يستعمل أي il explique le prêcheur إلى آخره ثم يقول أن يستعمل الحكمة في أمره ونهيه بأن يضع الأمور في مواضعها c'est ça الحكمة c'est que dans ton appel tu mets les choses à leur place. Tu parles à un enfant, c'est pas comme tu parles à un vieux. Tu parles à ton père, c'est pas comme tu parles à ton voisin. Tu parles à ton collègue, c'est pas comme tu parles à ton chir. Abadan. Al-hikmah. Chaque chaque chose à sa place. Et vous allez voir, la hikma, ça ne veut pas dire qu'on délaisse le haq. Abadan. La hikma, ça ne veut pas dire qu'on délaisse le haq. On fait du batil, abadan. La hikma, c'est chaque chose à sa place. Les gens, ils ne sont pas tous pareils. Les gens, ils ne comprennent pas tous de la même façon. Tu dois avoir de la hikma. L'essentiel, c'est que tu dois emmener ce haq que tu appelles. Ou tu veux enlever ce mal, l'essentiel c'est que tu arrives à l'emmener de la meilleure façon. C'est ça le hikma. Des personnes maintenant, il faut serrer la vis. Prends l'exemple de ton enfant. Ton enfant, il a volé, il a fait une bêtise, kada kada. Il faut de la shidda. C'est pas tu vas dire à Bounay, jazakallahu khair, il vient de faire un braquage. C'est pas de la hikma. C'est pas de la hikma. Dans ce cas, tu dois avoir de la shidda. L'enfant, il sait. Elle a son père, s'il fait kada kada, il peut avoir kada kada. Enfin, l'enfant, tu vas le trouver, il va se remettre à la tariq, il va avoir peur. Tu vas trouver maintenant avec ton chir, avec ton voisin. C'est pas pareil. Les personnes, c'est pas les mêmes. Les personnes, c'est pas les mêmes. Et anta, le but, c'est d'emmener ce haq. Enfin, si tu peux emmener haq maintenant, une personne maintenant, tout doucement, tu lui dis, ya akhi, kada kada, et tu sais qu'il va accepter. Limada, tu délaisses ça. Si tu délaisses, c'est que tu as délaissé la hikma. قال الشيخ الفوزان قال بأن يضع الأمور في مواضعها قال فيستخدم الشدة في موضعها ويلين في موضع اللين ويلين في موضع اللين c'est ça الحكمة أي la dureté à sa place et la douceur à sa place c'est ça الحكمة c'est ça la sagesse une personne de sage هكذا il sait où mettre les choses. لأن la personne un frère il peut nous demander مثلا comment je fais j'ai une situation. Je suis dur ou je suis doux? On lui dit, Akhi, Anna, cette mas'ala, elle a lien avec le ilm. Al-hikma, elle a lien avec le ilm. Si tu es à la ilm, tu sauras c'est quand qu'il faut kada, c'est quand qu'il faut kada. C'est pour ça qu'on a cité un des premiers comportements, al-ilm. Et dans les conditions, al-ilm. Enfin, l'ilm, il va te régler tout ça. Amman, jahal, un ignorant, il peut être doux ou qu'il ne faut pas. Il peut être dur ou qu'il ne faut pas. Qala, Ash-Shir al-Fawzan, Hafidhahullah, qala, يستعمل الحكمة التي فيها التأثير على الناس واستجلاب قلوبهم والتأثير فيهم. C'est ça le but. Le but c'est d'emmener la personne. لأن la personne il fait une marsiya, خلاص. Le but l'un c'est بإذن الله عز وجل, je suis une cause, j'essaie de le faire sortir de cette marsiya. Si maintenant nous on dit à une personne, il s'appelle Omar, il écoute la musique. الآن nous on sait que la musique c'est interdit. On a des délits, des adillah. La musique c'est haram et l'akhiré. La personne, on sait, il fait ce péché. On sait que si on va trop dur, yahri, arrête d'écouter la musique sinon tu parles plus avec moi. On sait que si on prend ce tariqa, ça va lui rajouter, il va écouter plus de musique. Il va dire, laisse-moi tranquille et il va continuer. Par contre, on sait que si on va, on dit, ya Omar, akhi, je t'aime fillah, je veux ton bien, il a akhiré. La musique, le prophète sallam, il a dit ça, fais attention à toi, il a akhiré. Tu sais qu'avec ce oslob, il va être touché. Les mains, on délaisse. On délaisse. Et on est la cause qui va le ramener vers le haq, et on prend la cause qui va l'éloigner. Pourquoi? Ça, c'est la hikma. Un autre cas, un professeur, un shir, il donne des doros, mathalan, il a des élèves. Il sait, Anna, si il secoue un peu le frère, il sait que ça va le remettre dans le haq. Matalan il vient plus au doros, il est kada, il commence à faire kada, il a akhiré. Le shir, matalan il l'appelle et il lui serre un peu la vis. Et il sait que ça va le remettre. Il sait que s'il est trop doux là, matalan il n'est pas venu, rien. Il lui dit rien, des sourires. Il sait que ce tariqa, le frère il va dire. Il n'y a plus personne pour le secouer, khalas. Dans ce cas-là, l'imada, on délaisse la solution. Yani qui peut l'emmener au haq, l'imada. C'est ça le hikma. Sallah tawfiq. Tout ça c'est bitawfiqillah. Ça c'est pas une recette que tu apprends. Je vais être dur, je vais être doux. Abadan. C'est l'ilm et c'est Allah subhanahu wa ta'ala il facilite qui veut. Ba'd an-nas Allah il leur donne le basira. Regarde l'ulama, tu trouves ba'd ahl al-ilm, tu lis leur biographie, ahyanan ils avaient une shidda adiba sur certaines personnes. Tu vois, il y a des fruits. Ahyanan tu vois, ils ont une douceur. Tata'ajjab. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui crée Allah, Allah il lui donne le furqan, le discernement. Il sait comment faire. Min Allah. Sallah min fadlih. Qala fala yustamal al-shidda fi mawdi' al-lin wa la yustamal al-lin fi mawdi' al-shidda. Cheikh al-Fawzan, il conclut avec hada et c'est muhim. Surtout ne mélange pas les choses. Léana, tu n'auras plus de hikmah. Il faut être doux, t'es dur. Il faut avoir un peu de dureté, t'es doux. Là. بعض الناس والله كما تعلمون ils ont ضيع leurs enfants trop de lignes, trop de douceur. Son fils il fait cada, il lui achète des cadeaux. كأنه il faisait rien. Son enfant il ضيع. Il n'y a personne pour le. Il finit en prison. Bardanas, ils ont donné à leurs enfants trop de shidda. L'enfant, il n'a rien fait, miskin, il est bien. Shidda. Sors pas, fais pas kada. L'enfant est derrière. Une fois ça, il ne le voit plus. Il n'y en a pas de hikma. Wallah, il y a des parents des awam, ils ont une hikma adib. Il sait comment prendre son enfant. De temps en temps, il serre la vis. Dès qu'il voit que c'est trop, il lâche. Wallah, tu vois l'enfant, il aime son père et, bi'idnillah, il l'écoute. Fa al-hikma, al-hikma. Al-kalam qu'on a cité de Cheikh Al-Fawzan, c'est. محاضرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله سيتبوك هذه المحاضرة واعلم وفقني الله وإياك أن الأصل في هذا الباب سي الرفق والليد سي سا لا باز لا plupart du temps سا سورا لا دوسور فلا باز سي لا دوسور دائما أنت tu commences أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا باز سي لا دوسور après sortir de cette base Aïe, un peu de dureté, ça dépend des cas. Mais à la base, c'est la douceur. Qala, alayhi salatu salam, comme fi hadith Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, fi sahih, qala, alayhi salatu salam, ya Aïcha, inna Allah rafiqun yuhibbu al-rifq, wa yu'ti ala al-rifq, ma la yu'ti ala al-umf. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-rafiq, min asma'ihi al-rafiq, wa yuhibbu al-rifq, et Allah il aime la douceur. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, قال عيسى السلام يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف الله سبحانه وتعالى يدون دي ريزولتا بالرفق avec la douceur ce que tu auras pas avec la dureté العنف c'est le contraire de la douceur tu peux on peut traduire ça نحن la dureté et انتم vous l'avez vu هذا والله احيانا je parle avec une personne برفق il accepte لان il sait que tu veux son bien عليكم السلام avec la douceur il accepte والله tu trouves la même personne un autre frère il vient il lui parle Avec la dureté, il n'accepte pas. صحيح. لأن الإنسان il est ضعيف. La personne, il est faible. Nous-mêmes. Un frère, il vient, il te fait un conseil. Avec un peu de shidda, tu as du mal à accepter. Sauf si Allah te waffaq. Tu sais que c'est le haq et tu acceptes. فما بالك عن عمي عن جاهل ما بالك. عمي, il ne regarde pas trop tes adillah. Il regarde ton comportement. Lui, les adillah, miskin, il ne comprend pas. فأنت, utilise ça. Utilise le conseil du prophète sallam an Allah yuhibbu ar-rifq fa prends ce rifq et fais avancer ta da'wa avec tes parents avec tes amis avec tes voisins avec ar-rifq pourquoi t'es dur anta t'aimes pas qu'on soit comme ça avec toi t'aimes pas l'insan il est comme ça il aime la douceur applique ça avec un nas et on répète ça veut pas dire on délaisse le haq abadan et ça veut pas dire on a toujours le sourire abadan des fois il y a des choses il faut al-hazm Des fois, il y a des choses, il faut serrer la vis, la boude. Sinon, le dîn est vrai. Il y a beaucoup d'arguments, de preuves, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il faut serrer la vis. Si tout le monde le sourire, et c'est pas grave, le dîn est vrai. Comme ils ont gaspillé leur dîn, le nasar. Lakin, la base, c'est le rifq. La base, c'est le rifq. Et de temps en temps, il faut serrer la vis, on resserre la vis et on revient. On revient au rifq. Wa qala alayhi salatu salam. إن الرفق في حديث عائشة كذلك إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء ولا نزع من شيء إلا شانه الرفق ده كله ده شوز اللي نبيلي والله تشوف ولا دعوة ده سخطة بالرفق بحكمة إلى آخره تشوف سين بل دعوة بخان دعوة العلماء دعوة جميلة تشوف ولا دعوة ده سخطة بيرسون شدة غلو ولو إلى الحق c'est pas quelque chose يعني que les gens ils vont être attirés أبدا لأننا نحن نقول، c'est important في الدعوة، que tu connaisses la situation des personnes. فنحن الآن on est في باب الرفق، الحكمة، la sagesse. مع الجاهل، avec l'ignorant، أكثر وأكثر. لأن مسكين، il sait pas. لماذا tu vas être dur؟ montre-lui، il sait pas. Si il veut le خير، il prendra ton قول. Si ton قول il est مبني على الكتاب والسنة، بإذن الله il le prendra. Il y a une histoire dans le Sahihain, elle prouve ça. Le comportement du prophète alayhi salatu salam, et tu vas voir la douceur que le prophète alayhi salatu salam avait. Mais le Nabi salatu salam, il sait, la personne, il n'a pas voulu faire du mal. Et il sait, la personne, il est jahil, il ne sait pas. Il lui montre, il va accepter. L'imada, je vais être dur. Dans le Sahihain, min hadith Anas, radiyallahu ta'ala an, أن أعرابيا بال في المسجد. أعرابي بال في المسجد. الأعراب معروف لبدون. فهذا الأعرابي il est venu au masjid du prophète عليه الصلاة والسلام وبال. خاصة à l'époque تعلمون أن المسجد du prophète عليه الصلاة والسلام il n'y avait pas de فراش مثل هذا. C'était pas des tapis là, c'était le hassa. Tu rentres, c'est du gravier. Enfin, comme si t'étais dehors. Sauf qu'il est couvert. Enfin, Al-Arabi, il est rentré. Il avait envie d'uriner. Il est parti dans un coin du masjid, il a uriné. Fa saha alayhi wa sahaba. Bah, sahaba, ils ont vu. Sahu alayhi. Ya Fulan, qu'est-ce que tu fais? Ya Fulan. Ils lui ont crié dessus. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, da'ou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, laissez-le. Al-An. انظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن il a commencé à uriner. لماذا tu veux qu'il coupe? خلاص les dégâts ils sont faits. دعوه فتركوه. Ils l'ont délaissé. Ça te montre استسلام الصحابة. Ils l'ont laissé. Il a fini. ثم قال له صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. Prophète صلى الله عليه وسلم tout doucement il lui a dit les مساجد c'est pas fait pour هذا. Al-Arabi, khalas, ça rentre dans son cœur. Sahih, c'est pas fait pour had. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré. Innama hiya li dhikrillah wa salat ila akhir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ce lieu hada, c'est pour salat, c'est pour. Amma, uriner, il y a des endroits. Al-Arabi, il a accepté Mubashara. Il a accepté Rifq, la douceur. Al-An, le dégât qu'il y a eu, l'urine, c'est pas une catastrophe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le hadith, Amara bima. Le prophète sallam il a dit allez chercher de l'eau, ils ont versé l'eau sur l'urine, il n'y a plus. L'urine elle a enlevé, la personne il a accepté. Tout le monde est gagnant. Ça vous montre un exemple de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et là on doit suivre هذا الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل مع فرعون عليه لعنة الله. فرعون الطاغية. الله سبحانه وتعالى يقول لموسى ولهارون عليهما الصلاة والسلام. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله سبحانه وتعالى il a ordonné Moussa et Harun. Moussa et Harun d'aller faire da'wa à Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala il leur a dit فقولا له قولا لينا. Aïe, vous parlez avec lui باللين, avec la douceur. Pourtant c'est Pharaon الطاغوت القائل أنا ربكم الأعلى. Il a prétendu être le Rab. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné Moussa et Harun la douceur. Dites-lui des paroles douces. Limada, pourquoi des paroles douces? La'allahu yatadhakkara ou yakhsha. Peut-être que ça va le faire revenir. Peut-être qu'il va méditer. S'il a un aql, il va se dire ils veulent mon bien. Lakin, Fir'aoun, hatta cette ni'ma, il ne l'a pas pris en considération. Fa, il est finnar, nasallah subhanahu wa ta'ala l'afiyya. Qala l'imam al-Shawkani rahimahullah, inda l'aya, qala. فإذا كان الله سبحانه أرشد رسله إلى التأدب بهذا الأدب مع أكثر الكفر صحيح سي avec le plus grand des kuffars que l'humanité a connu فرعون الله سبحانه وتعالى il a ordonné ces deux messagers la douceur ما بالك avec un مسلم ما بالك avec un مسلم il veut du bien le pauvre il s'est trompé فقط ما بالك لكن موسى et هارون ils sont à la ilm. Amma, le problème de certaines personnes, c'est qu'ils veulent faire du bien et ils ne sont pas à la ilm. Qala, ma'a akfar al-kafara wa a'zam al-uta al-mutamarridin alay. Ma'am, il da'a al-rububiyya. Qala, fasulukuhu ma'a al-qa'imin maqam al-inkar al-ladhina huwa ghayru al-rusul ma'a ba'd al-usa min al-muslimin aw al-zalama awla wa ahaq wa aqdam wa alzam. L'imam al-Shawkani dit, donc, avec autre que Fir'aoun, qui est moins grave que Pharaon. Il a moins de couf que Pharaon. Mimbab Aula, t'emploie la douceur. Ça, c'est la base. Il y a Jama'a fi da'wa. C'est la douceur. Qala, aintaha, ou intaha kalam, al-imam al-Shawkani, min kitabihi al-Sayl. Al-Sayl al-Jarrar, ma'rouf l'imam al-Shawkani. Kadalik, ta'amma l'akhi, un autre exemple de notre prophète, alayhi salatu wassalam, fi al-Sahihayn, anna shabban, un jeune, il est venu voir un Nabi alayhi salatu wassalam. Shabban ja'a ila Nabi sallallahu alayhi wasallam et il lui a demandé une chose. Il a demandé ce jeune homme, il va demander une chose au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit ya Rasulullah adhinni fi zina. Ya Rasulullah, autorise-moi à faire zina. Zina c'est interdit. Le prophète alayhi salatu wassalam al-an, prophète sallallahu alayhi wasallam, il connaît la situation du jeune. Un Nabi sallallahu alayhi wasallam al-an, il va employer une méthode hatta le jeune il est convaincu. Il sait que ce jeune il a besoin d'aide. Il est venu demander rien parce qu'il a besoin d'aide. Des viennent, ils ont besoin de quelque chose. Et la dureté. Il est venu te voir, c'est parce qu'il veut ton khayr. Donne-lui du khayr. Et ça, c'est un dars pour nous. Il lui a dit une chose, Nabi sallam, avec douceur. Nabi sallam lui a dit, est-ce que tu veux que ta mère, quelqu'un fasse avec elle zina? Chab, il a dit, là. Il lui a dit, ta soeur, là. عمتك تطنت لا الى اخره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك الناس كذلك الناس تو تم با بور تا مير بور تا سور بور تا في كذلك فلان ينم با بور سا مير بور سا سور فبوركو تو فالي فير زينا اي تو فير دو مال ان اوتر alors que toi t'acceptes pas الشاب يقول يا رسول الله ادعوا لي خلاص سي رونتري دون سون كور الى اكسبتي يا رسول الله ادعوا لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء اللهم احسن فرجه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء que Allah subhanahu wa ta'ala il l'écarte de zina et l'akhiri, هذا الشاب il n'a plus jamais pensé à zina abadan. Ondr, le munkar il a été enlevé, la personne a été rapprochée et il s'est mis à la tariq mustaqim. C'est qui le sabab? C'est le rasoul alayhi sallam. Harisun alaykum bil mu'minina ra'uf ar-rahim. Sadaq Allah azza wa jalla. Ce nabi alayhi sallam, c'est une lumière, c'est une rahma pour le mu'min. Rahma. Hakada da'i ila Allah, tu dois être une lumière et une rahma. Les gens l'Inde, هذا il est en mixité. هذا la musique. هذا le sport. هذا كذا. Les gens ils sont fidaya. Anta, Allah il t'a facilité. Si tu viens, tu dois être une lumière pour Haoula. Haoula ils ont besoin d'aide. Crois pas, tu le vois, il fait du sport, il fait كذا. C'est min adhaf al-nas. Wallah, c'est min adhaf al-nas. Il est tombé dans sa maasi, il l'a parce qu'il est faible. Ça serait pas un faible, il aurait suivi tariq al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Allah t'a facilité, essaye d'être un khayr pour Haoula. T'arrives à rapprocher celui-là, à rapprocher celui-là, tu lui montres il a khayr, as Allah subhanahu wa ta'ala yamfa bik. Ça ne veut pas dire qu'on se mélange avec Ahl al-Ma'asi et on ferme les yeux. Abadan. Abadan. Lakin, il vient te demander un conseil où tu peux le conseiller, conseille-le avec la bonne manière, la bonne façon. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana. Hikma est la bonne manière. Wa'lam, kadhalik, anna. La dureté, ça va te faire du mal. À toi. Tu fais du mal aux autres. On parle, la dureté qui n'est pas à sa place. Il y a des moments, maintenant, on peut employer la douceur, il y aura plus de résultats. On n'a pas le droit de prendre la dureté. Sans haja ila akhiri. Abadan. I'lam anna cette tariqa, elle va te faire du mal à toi. Elle fait du mal à l'autre. Peut-être qu'il n'acceptera pas, ça sera toi la cause. Et elle va faire du mal à toi. Elle va faire du mal à toi. Les anna, si les gens. T'es trop dur, tu sais pas comment t'y prendre, et les gens ils te laissent. Enfin, si t'as du ilm, qui c'est qui va prendre ce ilm? Il est dans ton cœur, toi, maintenant. Et les gens, plus personne ne veut t'écouter. T'auras fait du mal au din. قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك. Allah subhanahu wa ta'ala dit si. Il parle au prophète عليه الصلاة والسلام. لو كنت si t'étais فضا غليظ القلب si si tu étais, ya Mohamed, dur, un cœur dur, tout le monde, il se sauve. Les gens, ils n'aiment pas ça. Lakin le Nabi il était bien manzilat al-ab. C'est comme un père, alayhi salatu salam. N'importe quel sahabi, il a un problème, il sait où aller. Il sait que Ar-Rasoul, il va me conseiller. Ar-Rasoul, il veut mon bien. Il a akhri. Hakada da'i ila Allah. Et tu comprendras ce point encore plus si tu connais le hadith que l'imam muslim. رحمه الله الى رابورت في الصحيح في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الى فان دعاء الى فان انفوكاسيون الى دمودي الله سبحانه وتعالى ان شوز قال عليه الصلاه والسلام قال اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. Ça c'est invocation du prophète صلى الله عليه وسلم. Et vous savez ان les invocations du prophète صلى الله عليه وسلم elles sont exaucées. Le prophète sallam il a dit ya Allah, Allahumma, celui qui est doux, qui facilite à ma communauté, facilite lui. Farfoukbe. On répète, ça ne veut pas dire dès qu'on dit facilité, c'est une bid'a, pour toi c'est pas grave, c'est une sunnah. Abadan. Lakin, je te montre que c'est une bid'a, avec il y a une méthode. Je ne suis pas obligé de crier, je suis pas obligé d'osser le ton. Qala alayhi sallatu salam wa man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, deuxième partie de la dua, celui, maintenant il nous demande des conseils, c'est un professeur, c'est un shir, c'est un imam, et d'aïman, il veut rendre la chose dure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahumma shquq alayhi, et il rend lui les choses difficiles. Je le trouve, hada. Ils ont du roulou, de la shidda envers les gens. Daïman, un jour c'est lui, il se retrouve dans les problèmes. Wal'iyadu billah, des fois il lâche tout. Dua al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Attaquillah, ya akhi. Attaquillah. La budja jama'a, on applique ces choses. T'es un miftah lil khayr, bi idnillah azza wa jal. Tu trouveras en général ceux qui sont durs, il a akhiré, ou qu'il ne faut pas être dur, annahu il appelle pour son nefs. Un, il n'accepte pas, il s'énerve. Ya akhi, t'appelles pas pour toi. T'appelles pour Allah. S'il accepte, alhamdoulilah. S'il n'accepte pas, essaye de te remettre en question pourquoi il n'accepte pas. Peut-être que le problème il vient de toi. Peut-être que tu lui as pas emmené les arguments qu'il fallait. Peut-être que tu as un mauvais comportement. Peut-être que kéda. Remets-toi en cause. S'il accepte ta da'wa, ihmadillah. S'il n'accepte pas, on passe au cinquième point. Ad-du'a. Le cinquième point. Le cinquième comportement, ad-du'a. Qala azza wa jal, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Fasta'inu bis-sabr was-salah. La personne yasta'in, il demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, guide Fulan. Ya Rab, facilite à mon père. Ya Rab, facilite à ma mère. Ya Rab, fais le dua. Qala azza wa jal wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Fa'anta, t'es une cause, tu montres et en même temps tu t'aides. La cause la plus importante, le dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit si tu l'invoques, il exauce. Fa demande. Ça arrive, une personne, tu lui parles avec douceur, avec les preuves. T'as tout fait ce que tu pouvais. Tu lui montres, il n'accepte pas. Qala azza wa jal, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas celui que t'aimes. Dans ce moment-là, aide-toi bid du'a. Khasatan, le dernier tiers de la nuit, entre l'adhan et l'iqama, ou l'heure, le jour du vendredi, ou tu lèves les mains, ya Rab, guide Fulan. Ça peut être que bénéfique. Ta'lamoun anna islam Omar, c'est bisabab du'a al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua, Allahumma ansur al-islam wa Allahumma ansur dinak bi ahad al-umarain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua, il a demandé à Allah qui secoue sa religion avec un des deux Umar. Imma Umar ibn al-Khattab, imma Abr ibn Hisham, Abu Jahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Umar ibn al-Khattab. Umdur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a su qu'il avait un bien si un des deux il se mettait dans l'islam. Il a fait dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé le cœur de Umar. Wa qala kadhalik alayhi salatu wa sallam, lamma qila lah. أو لما نعم أخبر عن دوس أنهم عصوا دوس c'est une tribu. Le prophète sallam il a été informé qu'ils ont désobéi. قال عيسى السلام اللهم اهد دوسا وأت بهم. Le prophète sallam il a fait le dua. Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé cette tribu Daous. فلا تقنط. Ne désespère jamais. Ne désespère jamais. J'ai montré à Fulan, j'ai montré à ma sœur que la musique c'est interdit. Elle écoute, je lui parle plus. Désespère pas, yar. Et si tu sens que, si tu serres un peu la vis, ça va l'aider, tafaddal, c'est ce qu'on appelle al-hikma. Hikma, lakin bi'ilm. Et, kadhalik, aw qabla hadha, nunabbih, anna, comme on a répété beaucoup, la douceur, al-rifq, al-hikma, et l'akhiri, ça dépend de la personne. Wallah, il y a des personnes, ça ne marche pas avec al-rifq. Wallah, yastahiqoun, dalama, il veut te faire du mal, et l'akhiri, fi hadha al-hal, t'as un mawqif akhar. Qala al-allama, عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال أما من ظلم وتعدى فله شأن آخر فكما قال عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. الله سبحانه وتعالى il a montré أن الدعوة même au genre du livre بالتي هي أحسن de la meilleure des façons sauf ceux qui sont injustes. Il va te faire du mal, il va faire du mal à ton dîne, il va faire du mal à ton honneur, à tes biens. ففي هذا الحال la personne il a de l'azim. C'est ça notre dîne. Al-hikma, tout ça s'englobe ce qu'on appelle la hikma. La douceur à sa place et dès qu'il faut être dur à sa place. Ta'lamoun anna mawqif al-salaf ma'a ahl al-bida' il est ma'arouf. Al-salaf al-salih, ils avaient de la shidda envers ahl al-bida'. Ça ne veut pas dire tous ceux qui font une bida'a, c'est un mubtadi'a. Abadan. Ba'da al-nas l'an, ils mélangent. Ils entendent matalan al-salaf al-salih, ils avaient de la shidda envers ahl al-bida'. Même. C'est ça, al-manhaj al-salafi, il est mabni ala hada. Il est mabni ala hada. Al-wala wal-bara. لكن أنت اعلم أن بعض الناس يفعلون بدعة يسأل على جهل. Le vieux mesquin de ta mosquée, il fait une bid'a, c'est pas comme un rafidi un jahmi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ton père mesquin, il sait pas, il a fait Maulid al-Nabawi, c'est pas comme un ikhwani qui appelle au khuruj ala al-hukam. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Toute la mas'ala c'est l'ilm. Wallahi, nahnu, ce qui nous fait du mal, ce qui fait du mal à la umma et ce qui fait du mal à la da'wa, c'est le jahl. لأن مم سي تو فو فير دو بيان اي تي با على علم سا سورا دي ديغا في الغالب. Ça vous montre, ça nous montre tous l'importance du ilm. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yuwaffiq al-jami'. Kadhalik min al-akhlaq at-tayyiba as-sad'u bil-haq. La personne il dit al-haq wa la yakhaf Allah lawma tala'im. Haq, c'est al-haq. Wa nahnu on a cité ce point ici pour vous montrer qu'on a la douceur, ça ne veut pas dire on s'était sur le haq, abadan. As-sad'u bil-haq. Et ce haq, tu l'emmènes, comme on a dit, de la meilleure des façons. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kama fi hadith Abi Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, qal, Abu Dharr, amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sab'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé, il a ordonné à Abu Dharr de faire cette chose. Parmi ces choses, قال أمرني أن لا أخاف الله لوم تلائم وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Abu Dharr de dire le haq. Awalan, il a ordonné d'avoir peur de personne. C'est Allah Azza wa Jal. Là, t'as pas peur de Fulan ou Fulan, abadad. Et il lui a ordonné كذلك de dire le haq وإن كان مرة. La vérité, des fois, elle est amère. Sahih, c'est pas facile. Tu vas dire Fulan il va kada, Fulan il va kada. Lakin, dans ce cas-là, t'as pas le choix. Tu dois parler, tu dois dire le haq. Lakin, c'est haq, on met le de la meilleure manière. Lakin, même des fois de la meilleure manière, et ça te fait des problèmes. Esbir. Esbir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tous les problèmes qu'il a eu, ils l'ont expulsé de Mecca, ils ont essayé de le tuer, ils ont kada, kada. Tout ça, c'est parce qu'il a dit kalimat al haq. Abudullah wa la tushriku bi shay'a. Lakin, la patience. وعن أبي سعيد كذلك الخضر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit لا يمنعن أحدكم. Personne ne doit être empêché de dire le حق s'il l'a vu ou entendu ou il a témoigné. Personne doit empêcher de dire là Fulan il va parler là abadan. Montre le حق, c'est le حق. Si on se tait sur le haq, on ne montre pas le haq, on ne met pas en garde contre le batil, les gens ils vont s'égarer. Lakin, i'lam, anna, le fait que tu dises le haq, ça va faire des problèmes. Lakin, t'as que la patience. Yubtal al-mar ala qadra din. Ashadu al-nasu bala'al, anbiya, thumma l'amthal, fal'amthal. Ça, c'est le chemin des prophètes. Et la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est connue, les souffrances qu'il a eues, illa bihada. Wal imam, Abu Ismail, الهروي رحمه الله قال عرضت على السيف خمس مرات 5 fois ils ont failli tuer. قال لا يقال لي ارجع عن مذهبك. اي ils ont jamais dit délaisse ton madhab, délaisse sunna, délaisse l'islam, abadan. C'est pas ça qu'ils voulaient. Ils lui ont dit quoi? ولكن يقال لي اسكت عن من خالفك. Ils voulaient rien que Abu Ismail il se taise. Tais-toi, arrête de critiquer Fulan et Fulan. قال فاقول لا اسكت. Fais ton dîn, fais ce que tu veux, mais critique pas Fulan et Fulan. La askot. Ça te montre à Imam Sunna. Il ne pas abadan. Ah, ça vous montre que la personne n'est pas bil haq. Mais nous, en fait, des fois, on il n'y a rien du tout. Fulan, il va pas être content, Fulan, il va me faire la tête. Si c'est haq, il n'a pas de faire la tête. Montre le haq et conseille-le. S'il ne veut pas écouter, c'est lui qui entend. Pourquoi on se tairait pour les petites envies de Fulan? Abadan, lui-même, il doit revenir au haq. Lakin, il faut que ça soit du haq. Et ce haq, on répète, il doit être emmené avec la bonne manière. Donc, que ça soit ton père ou ta mère, tu fais sunnah, tu fais, t'appliques ton dîn, ils ne sont pas contents. Tu leur montres le haq. Ils ne sont pas contents. Essaye de leur montrer s'ils n'acceptent pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Le dernier comportement, et on conclut avec hadha, dhahaba al-waqt, as-sabr. Al-an, on a cité sabr à la fin, les an-sabr, c'est ce qui va te tenir tous les points qu'on a cités. Al-ilm, la sagesse, ad-du'a, tu parles haq, t'as pas peur fil azza wa jal, tout ça tu arriveras avec le sabr. Limada, les anna, si t'appelles au bien et t'interdis au mal, khassatan fi hadha az-zaman, on va vouloir te faire du mal, la shak, dans la mosquée, dans la rue, ta famille, ba'd an-nas, le haq c'est lourd pour eux. Lakin anta ayyuha ad-da'i, tu dois avoir ce comportement, la patience. Wa'lam anna si t'as la patience, si t'es sincère, wallahi ils te feront aucun mal. قال عيسى عليه السلام لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Si toute la umma se rassemble pour te faire un mal, wallah ils pourront pas, sauf si Allah l'a décrété. Asbir, ils peuvent rien te faire. Hada il dit il va t'expulser, hada il va kada, ils peuvent rien te faire. Illa an yasha Allah. Fasad bil haq, avec le sabr. قال عز وجل سورة لقمان قول لقمان قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Trois choses: الصلاة, أقيم الصلاة, الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. Ces trois choses, si tu les fais, Luqman il a dit quoi à son enfant? واصبر على ما أصابك. Hey, tu vas être éprouvé. Tu es obligé de patienter. Tu crois qu'un ta, tu vas dire à Fulan interdit. Fulan, tu vas mettre en garde, c'est un moubtadi', tu as des preuves. Tu crois que hakada, personne va vouloir te faire ton mal. Ils ont voulu faire du mal au prophète Aïssa al-Salam. Majnoun, sahir, ils l'ont empoisonné, ils ont essayé de le tuer, ils l'ont combattu, ils l'ont expulsé. Ma baloukanta. Si tu patientes, Wallah, ils pourront rien te faire. Sauf ce qu'Allah t'a décrété. Et yom qiyama, al-aqibatu lak. La fin, elle est pour toi. النصر اللي بورتو والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. قال أويس القرني رحمه الله من أئمة التابعين. Celui que le prophète صلى الله عليه وسلم, vous vous rappelez, il a dit à Omar, يا عمر, tu vas rencontrer une personne qui vient du Yémen, il s'appelle Ouais. Fait, demande-lui qu'il te fasse dua. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il l'a cité. Alors qu'il l'a jamais vu, jamais rencontré. Ouais القرني من أفضل التابعين. Il a dit, رحمه الله, هذا الإمام. قال إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبق له صديقا. صحيح, سيبا في الغالب هذا, لكن صحيح, سيبا في الغالب, بعض الناس يزعم الخير, بعض الناس يفون تدي, لكن في الغالب أن يتدي أن سي tu viens à appliquer la religion d'Allah, أمر بالمعروف ونعم منكر, et tu suis الشريعة, t'auras pas beaucoup d'amis. لم يبق لك صديقا. صحيح, لأن les gens, il y a des personnes, ils n'aiment pas, tu lui dis ça c'est haram, ils te laissent. لكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. Ça c'est pas global. لا. قال إنا لنأمرنهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيتخذوننا أعداء. اسمع. Ouais, il dit والله. On les appelle au bien et on les met en garde contre le mal et nous prennent comme ennemis. هذا معروف. قال ويشتمون أعراضنا. Et ils se moquent. Ils insultent l'أعراض, la famille, la femme, son honneur, إلى آخره. قال قال ويجدون على ذلك من الفاسقين أعوانا. Et il dit, la musiba, la catastrophe, c'est que هؤلاء, ils trouvent des gens qui les aident. Ça, c'est connu. Fulan, c'est un wahhabi, Fulan, c'est un terroriste, Fulan, sa femme a fait kada. Ils mentent sur lui. Miskin, c'est un da'il Allah, il a rien fait de tout ça. قال حتى والله لقد رموني بالعظائم. انظر. النبي صلى الله عليه وسلم, il a fait une tesquia. النبي عليه الصلاة والسلام. Il dit à Omar, tu vas rencontrer un homme, il s'appelle Ouais al-Qarani. Demande-lui de faire dua. Elle, c'est une personne pieuse. Le prophète, sallam, tu trouves des gens, yarmouna bil-adha'im. Il l'accuse de choses énormes. C'est un kada, c'est un kada, c'est un kada. Est-ce que ça a fait du mal à Ouais? Abadan. Yom qiyamah, bi-idnillah, il se retrouvera avec le Rasul, sallam. Al-mar'u ma'aman ahab yom al-qiyamah. Qala, rahimahullah, la fatal, wallahi, la yamna'ani dhalik, an aqoul al-haq. Ouais, il est à la tabat. Il ne dit pas ça pour se plaindre. Ils m'ont fait du mal. Abadan. Il te montre, faqat. C'est un dars pour toi. Et à la fin, il te dit, wallah, que ça ne m'empêchera pas de dire le haq. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Hakada al-mawqif, tu dois avoir. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Je dis le haq. Et c'est moi, mais idni la qu'aura le dessus. Léa nashu ala haq. Hada alladhi aradna. Fa asta mas'ala. Mas'ala al-amra bil ma'ruf wa nahy an munkar. On a pris du temps. Trois cours. Li anna li muhimma. C'est la base de ton din. Si ton din t'es qawi dans ce bab, ton din bi'idnillah il sera qawi. Si t'as des problèmes dans ce bab, tu te feras beaucoup de mal. Léana, la personne, comme on a dit, tu vis dans une ambiance, imma yadu ma'ruf, imma yadu munkar. T'es obligé d'avoir un comportement, t'es obligé. Fa l'inaya bi hada al-bab. Wa alam que ce bab, c'est pas pour tout le monde. Et dès que je dis c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui arrive. Ba'd al-nas, ils ont fait des dégâts bi hada al-bab. Il veut appeler au ma'ruf, il veut mettre en garde contre munkar, et son fil, ça finit à munkar. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والابتلاء والمحن ما يعترض به المرء للفتنة صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب الله عليه من ذلك بأن يطلب السلام من الفتنة. انظر تلمكسلوه هذا الباب. فبعض الناس يدنى السبب يدي لا أنا جفبا فغل فتنة. Là, j'ai pas envie de faire des problèmes, il est akhiré. Il prend cette excuse. Alors qu'il est obligé. Ouais, c'est le Qarani, il n'a pas dit là, je ne veux pas faire des problèmes. L'imam al-Harawi, il n'a pas dit là, je me taille. Là, qu'il bat al-Nas, vu qu'ils sont faibles, là, j'ai pas envie de faire des problèmes. Là, c'est toi le problème. Il n'y a pas de problème, le problème c'est toi. Faqat. Apprends ton din, sois à la ilm, parle bi-haq, bi-idnillah, tu vas résoudre les problèmes. Amma, on délaisse le haq, et pour s'écarter des problèmes, tu es tombé dans les problèmes. Comme a dit Allah Azza wa Jal, Cheikh l'Islam, il a cité le verset, comme a dit Allah Ta'ala anil munafiqin, wa minhum man yaqoul, et dhinni, aïe, donne-moi la permission, wa la taftinni, Ala fil fitnati saqatu. Ba'd al munafiqin, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le jihad. Le munafiqoun, ils étaient au milieu avec lui. Ba'd al munafiqin, le jihad c'est amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. Ba'd al munafiqin, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils demandaient la permission. Ya Rasulallah, donne-moi la permission, j'ai pas envie de tomber dans le fitna. Allah subhanahu wa ta'ala qal ala fil fitnati saqatu. Ils sont tombés dans le fitna. Le fait de délaisser l'amr bil ma'ruf wa nahy an munkar, c'est ça le fitna. Amma, tu veux, ayyuha al muslim, personne te dit rien, t'as aucun problème, t'es pas fil jannah, t'es sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des problèmes. Ma balou kanta. Là, quelle passion. On le voit, nous, nous, nous, nous. Ya akhi, le frère, il fait kada. Ça serait bien que je te vois avec lui, ça serait bien que tu le conseilles. Comme on entend, comme on entend. Ouais, mais j'ai pas. Laisse, j'ai pas d'art de problème, il a akhi. Cette parole, c'est ça le problème. Fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna wa yusibahum adhabun alim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit enlève le munkar. Toi, tu dis non. Akhi, c'est ça le fitna. C'est ça le fitna. La personne, attention à la hawa. Faut qu'on fasse attention à la hawa. Inna shaytan yajri fi bani adam majra dam. Shaytan circule dans toi comme ton sang. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah wa al-tawfiq. Hada alladhi aradna. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'al fi hadhi al-kalima al-baraka wa al-nafa. Les plus importantes références, si tu veux approfondir le sujet, Risala Sheikh al-Islam. Elle est dans Majmou' al-Fatawa. Al-amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. Deuxième Risala, al-qawl al-muharrar de al-Sheikh. العلامة حمود تويجري رحمه الله. La troisième رسالة لمحاضرة شيخ الفوزان طيبة. La quatrième رسالة جوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل قادر de notre frère أخونا الفاضل أبو حاتم سعيد الدعاس وفقه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عفوا وسي أن بأتغدي لكن أفولي فيني حياكم الله مع تحية دمار افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين